Baroud d'honneur entre le son, ma génétique, mon éthique, ma phonétique, les leçons et leur donneur, randonneur, j'ai vendé Steam à payer le prix du vrai. L'esprit délivré ou parfois le bonheur d'estime. J'ai pagayé près des apôtres et des douze plaies d'Égypte. Égayé quand ma cohorte trappait mes couplets dans des cryptes. Frappé par la foudre, en deux spies dans la tempête. L'inspi pour poudre des scampettes, que ces rimes drapées viennent absoudre. Bunker séparation, peu d'élus dans le ratio. Trouve le salut dans mon patio, le cœur en réparation. Des louves et des colombes, des corbeaux, des hyènes. Même quand la haine se faisait mienne, couvre le beau dans mes catacombes. Que le sort m'incombe, d'écrire n'a pas d'égal. Un trésor théologal, qu'en dernier ressort je surplombe. Pensif sur la jetée, du talent guette en vain les sorts. De leur pont s'y fait consort, que bras ballants j'ai rejeté. Écrivain cacheté, déboussolé par les larmes, revient consoler les plus humbles. Les non achetés, les yeux lessivés et noirs tachetés. Par le dédain vient bougeon, cultivé d'espoir nos bourgeons. Dans leur jardin de lâcheté, on maudira leur manie. Méditera sur du Tolstoï, applaudira Isfahani comme ces petits rats du Bolchoï. Une croix sur l'épaule, des sourates sur l'autre clavicule. Disparate sans mes deux pôles, en moi porte une canicule. Tout est cyclique, de mon savoir empirique, de mon pouvoir féerique jusqu'aux avoirs de toutes vos cliques. Rien n'arrive par hasard, dans des cuillères en inox, j'ai des prières, des équinoxes, des rives de pierre sous le casar, de l'égoïsme foudroyé. Broyé, refoulé, des plaines d'autisme foulé, des outils à fourvoyer, tour à tour noyé par les coups. Le deuil et ses ténèbres portent cinq doigts autour du cou. Quand l'œil se pose sur mes vertèbres, tous vos rois cheminent aveuglés. Vertèbres s'assassinent, le poids du faux les fait meugler. Moi je bouquine Kateb Yassine, mais le mal-être du tricard fait que dans nos sphères on s'enferme. Y'a qu'une lettre d'écart entre l'enfer et le ferme. Faut-il se faire aux ordres, aux boas constricteurs, de holo à contradicteurs. J'ai dû faire du fil à retordre, là où pour l'aspect d'une répute sous les sions on se bute. Mes respects aux fils de pute, plus qu'à ceux de Belzébuth. Roule à la fraîche en Clio, ni Fauderge ni Jacuzzi. Cherche de l'air de l'eau quand tout le lot prêche le usi. Use des armes de jalousie pour y semer le pu. J'aimerais finir repu dans le charme de l'Andalousie. Frère, mère, père à mes côtés, une princesse à décoder. Des repères de la beauté, loin de la cesse et des odés. Vois nos cœurs tels des icebergs. La glace se tarir, des bunkers de Zuckerberg. Jusqu'à la place tarir, c'est le road trip du courage. Des défaites et des fautes, des belles routes la tête haute. Quand dans les tripes s'entête la rage. Une ode à Beyrouth, aux douleurs des pages tournées. Aux émeraudes dans la déroute, à toutes leurs cages contournées. Pour adage qui vit par le point, meurt démi par le point d'un tel. J'ai gémi mon génie non loin dans le coin fumeur d'un motel. J'ai des rêves morts sur un hôtel. Et des remords pour l'humain orfèvre parmi les mortels. Lors du commun.